je ne réussissais guère mieux pour moi que pour mes élèves. J'avais été recommandé par Madame Debel à Madame de Mably. Elle l'avait priée de former mes manières et de me donner le ton du monde. Elle y prit quelques soins et voulut que j'apprisse à faire les honneurs de sa maison. Mais je m'y pris si gauchement, j'étais si honteux, si sot, qu'elle se rebuta et me planta là. Cela ne m'empêcha pas de devenir, selon ma coutume, amoureux d'elle. J'en fis assez pour qu'elle s'en aperçût, mais je n'osais jamais me déclarer. Elle ne se trouva pas d'humeur à faire des avances, et j'en fus pour mes lorgneries et mes soupirs, dont même je m'ennuyais bientôt, voyant qu'ils n'aboutissaient à rien.